Vous m'en voudrez si je ne vous dis pas mon prénom. J'ai autant de prénoms qu'il y a de lézardes dans mon château. Moi, baron de Sigognac, gentilhomme de la meilleure noblesse de Gascogne, je suis l'unique survivant d'une famille ruinée dans les guerres. Les trois cigognes sur le blason de mes ancêtres s'effacent jour après jour. Et dans ce vieux manoir délabré, j'ai pour seul compagnon mon serviteur, Pierre, mon chien, Mirou, et mon chat, Belzébuth. Ah, j'oubliais les hiboux et les rats nichés dans les recoins. Près du feu qui me réchauffe les doigts, je vois luire leurs prunelles dans l'obscurité. Ils attendent que je leur cède la place. Alors, comme le ménestrel du Moyen-Âge qui paie son écho en contant des histoires, je les fais patienter. Voulez-vous vous asseoir avec les rats, les araignées et les hiboux? Mon histoire n'est pas bien longue. Elle dure ce que durent les rêves. Voici les aventures du baron de Sigognac, dernier du nom, et comment il échangea son titre de noblesse contre un masque de comédien. Capitaine Fracasse, de Stéphane Michaka. D'après Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier. Enregistré en public au studio 104 de la Maison de la Radio le 6 juin 2015. Texte dit par Laurent Poitrenou. Avec la clique des Lunésiens, dirigée par Arnaud Marzorati. Un chariot s'est égaré dans les landes par une nuit obscure. Il s'est embourbé dans les ornières non loin du manoir de Sigognac. Miro et Belzébuth se terrent sous le banc de paille. Qu'ont-ils flairé? Quel hôte lugubre vient frapper aux portes de mon manoir? Mais les notes qui me parviennent, guillerettes, bariolées, me font changer d'humeur. Que dis-tu, Pierre? Une troupe de comédiens a dévié du droit chemin? Elle s'est perdue aux abords de mon château et demande l'hospitalité? Mais donnons-la leur, puisqu'un chariot comique s'est égaré dans les landes par une nuit joyeuse. C'est ainsi que mon histoire a commencé. La nuit où ces figures gracieuses, un Scapin, une Isabelle et d'autres mines propres aux comédies de cap et d'épée, sont venus rompre ma solitude. Parmi elles, je remarque une silhouette d'une maigreur inquiétante. À son costume zébré de bandes jaunes, à la fraise en carton qui le force à relever le menton, je devine qu'il s'agit de Matamor, le soldat fanfaron des comédies italiennes. Il se présente à moi en disant « Je suis la terreur de l'univers. Où je passe, il pousse des croix. » C'est à peine si mon ombre ose me suivre, tellement je l'amène en des endroits périlleux. L'instant d'après, je le vois trembler et cliqueter des genoux comme s'il était poursuivi par une armée de fantômes. Ne vous effrayez pas, lui dis-je. Dans ce manoir peu habité, le vent pousse des soupirs d'orgue à travers les couloirs. Et je convie à ma table autour d'un frugal repas ces comédiens qui vont errant de bourg en ville. La pudique Isabelle, ingénue aux longs cils, au visage mignon et aux boucles de cheveux follets. Zerbine, la soubrette malicieuse, au teint fauve et doré comme celui d'une gitane. Dame Léonarde, la mère noble de la troupe, vêtue de noir et arborant une expression pincée. Le pédant, avec ses joues flasques et ses phrases à rallonge. Le tyran, aux sourcils charbonnés et à la voix de taureau. Le scapin, prêt à maintes fourberies avec sa tête de renard. Le Léandre, parfaitement qui connaît tout l'éventail des soupirs. Séraphine, la coquette, qu'on pourrait prendre pour une dame de cour. Et puisque l'argent est le nerf de la guerre, de l'amour et du théâtre, finissons par Hérode, chef et caissier de la compagnie. Aux dames, j'offre ma chambre, la seule à peu près où il ne pleuve pas, et je m'en vais dormir sur un fauteuil dans la salle du festin, non loin du matamor roulé dans sa cape grise. À l'aube, dans la cour du manoir, je rencontre l'ingénue qui descend au jardin. Je la guide en gentilhomme sur les marches descellées et moussues. Dans le jardin en friche, j'écarte les ronces qui pourraient griffer sa robe. « Pourquoi, me demande-t-elle, vous confinez dans ce manoir seigneurial ? Aimez-vous à ce point la solitude ?»« Seigneurial est un bien grand mot, je lui réponds. Vous pouviez dire perchoir de hibou, niara, hospice d'araignée. » Elle sourit, d'un sourire qui n'a rien de joué. Enfin, je crois. Mais cette solitude n'est-elle pas bien grande ? J'abaisse le feuillage et aperçois sur une branche une rose sauvage ouvrant ses pétales à demi. Je l'offre à Isabelle en disant « Je ne croyais pas mon parterre aussi fleuri que cela. » Elle met l'églantine dans son corsage. Venez avec nous à Paris, puisque notre troupe s'y rend. Là-bas, la fortune distingue parfois dans la foule un cavalier de naissance et de mérite. Paris, dis-je d'un ton rêveur, l'œil et le nombril du monde, le rendez-vous des beaux esprits et des galants. Je m'interromps. Paris, vu de mon manoir, me semble de l'autre côté de la terre. Allons, décidez-vous, venez avec nous à Paris, et peut-être dans quelque temps, les tours de Cigognac coiffées d'ardoises neuves feront fière figure. Moi, un Cigognac, m'attelir à un chariot comique ? Elle a dû lire une hésitation sur mon front, car elle ajoute, l'œil brillant, « Et puis vraiment, cela me chagrinerait de vous laisser dans ce manoir à hibou. Ces boucles de cheveux follets ont raison de mes réticences. » Au moment de partir, je me retourne vers le château de la misère. Une fraîche odeur de bruyère lavée par la pluie laisse échapper l'arôme de ma terre natale. C'est le parfum des Landes. Je salue d'un regard Pierre, resté dans le manoir avec Miro et Belzébuth, et j'élève mes yeux au-dessus des tours. Est-ce que ce n'est pas, dans l'azur, une cigogne qui s'envole ? Un cavalier de naissance et de mérite. Il part de bien bas, ce cavalier. La misère me réduit à monter sur un chariot à bœufs pour suivre les aventures d'une troupe de comédiens. Je crois recevoir une bourrade du vieux baron, mon père, comme s'il sortait du caveau familial pour marquer sa réprobation. Je me retourne. Ce n'est que le tyran de la troupe, l'homme aux sourcils charbonneux. Il désigne ma rapière, l'épée des Cigognacs. Votre fidèle ami. C'est l'épée de mon père, dis-je avec un sursaut d'honneur. Un chaos me fait piquer du nez dans la jupe de Zerbine. Le tyran étouffe un rire. Nos glaives de théâtre n'ont ni fil ni pointe, car ils ne doivent porter que de feintes blessures. Attrapant le mot au vol, Isabelle s'est mise à fredonner. Feintes froideurs, feintes amours, vous me faisiez les serments d'un jour. Vaine fierté, faible rigueur. Je cherche des yeux son regard. Elle sourit béatement à Léandre. Quelle est cette pointe dans ma poitrine? Serais-je jaloux? Tandis que le manoir disparaît derrière nous, le fredonnement d'Isabelle entre deux chaos du chariot comique me donne le tournis. Après quelques heures, notre charrette traverse un pays qui contraste avec les landes. Au sable blanc ont succédé des terrains rougeâtres. Bientôt, nous arrivons à un carrefour. Une grossière croix de bois, fendillée par le soleil et la pluie, marque l'embranchement de quatre chemins. Nous prenons à gauche vers Poitiers. Alors, il arriva ce qui arrive en tout temps et en tout lieu aux voyageurs intrépides, une attaque de brigands. Sur les talus se dressent horrifiques et féroces sept bandits armés de coutelas. L'un d'eux, le plus petit et le plus nerveux, se détache du groupe et la cape roulée sur son bras s'élance vers nous en criant « La bourse ou la vie !» Ne songeant qu'à protéger Isabelle, je dégaine ma rapière et me précipite sur le malandrin qui hurle « Feu, vous autres !» Craignant l'arquebusade, les comédiens se réfugient derrière le chariot. Les femmes piaillent comme des jets plumés. Pendant ce temps, en deux bottes parfaitement exécutées, je neutralise le brigand. La lame courbe de sa navaja s'est plantée dans le sol. Aucun coup de feu n'a retenti. Je me tourne vers ses complices et à cet instant, deux crocs pointus s'enfoncent dans mon mollet. Je vous laisse imaginer mon cri de douleur. D'un geste brusque, je veux chasser la vipère, mais ce que j'en vois rouler à 10 pas sur le chemin, c'est une fillette de 12 ans, aux longues mèches noires qui lui flagellent les joues comme des serpents. « Agostine, à moi ! Ce croquant m'a botté le cul !» Un croquant, moi, le baron de Cigognac. Un croquant dans la bouche de cette petite vipère. Je lui fais quoi ? Je l'étripe ? Tandis que se relève Agostine, un petit gaillard à la face cuivrée et à la chevelure drue, le soleil émerge de l'horizon et montre, en guise de brigand, de grossiers mannequins munis d'épées rouillées. « Ton stratagème est assez picaresque et comique, » dit le tyran à Agostine, maintenant que le bandit se tient tout penaud devant la troupe. « C'est un bon tour pour extorquer des pistoles aux bourgeois poltrons. »« Quelle peine !» se lamente Agostine. « Il faut qu'aille eu tout seul ma pièce sur le théâtre du Grand Chemin, habillant des cadavres pour faire croire que je suis soutenu par une bande nombreuse. C'est la faute au bourreau qui m'a pris mes premiers et seconds rôles. » À ces mots, nous regardons mieux les brigands de paille et constatons, non sans effroi, que ces mannequins sont des cadavres de pendus exhumés pour la circonstance. « Puisque il n'est pas pour vous voler... Au moins, faites-moi le monde que je puisse acheter une caperine à cette pauvre chiquita. » De son côté, la petite brigande semble convoiter autre chose qu'une capeline. Depuis un moment, elle dévore du regard le collier de perles d'Isabelle. La comédienne le défait et le passe au cou de la petite voleuse, éperdue et ravie. Chiquita roule en silence les grains blancs sous ses doigts brunis. Puis elle relève brusquement les yeux. « Vous êtes bonne, je ne vous tournerai jamais !» Agostine et Chiquita ont remballé leurs fantoches et se sont déjà éclipsées lorsqu'Isabelle vient souffler à mon oreille. « comme vous avez bravement réduit ce brigand que vous deviez croire soutenu par une bande armée. Vous vous êtes conduit comme un héros, et sous votre sauvegarde, on voyage en sûreté. En entendant cela, Matamor, jaloux, hausse ses maigres épaules. Il vient tout juste de sortir, longtemps après les autres, de derrière le chariot où il se cachait en claquant des dents. Le soir, à peine remis de nos émotions, nous faisons notre première halte dans un hameau des environs. Quand l'avarice s'en va toujours, elle n'y va pas sans ses dessous. Elle s'en va chez la jardinière, sans dessus dessous, sans devant derrière. Donnez-moi des choux, donnez-moi des choux, donnez-moi des choux pour mes dessous. Quand l'avarice s'en va tout l'or, elle n'y va pas sans ses deuillards. Elle s'en va chez la charcutière, sans dessus dessous, sans devant derrière. Donnez-moi du lard, donnez-moi du lard, donnez-moi du lard pour mes deuillards. Donnez-moi du lard, donnez-moi du lard, donnez-moi du lard pour mes deuillards. L'auberge du soleil bleu, avec son foyer en grosse pierre et son sol en terre battue, n'a rien d'un relais de prince. Du plafond tombe sinistrement, au bout d'un croc de fer, une longue flèche de lard qui a l'apparence d'un pendu. Il en faut plus pour nous couper l'appétit, et nous dévorons les croûtons mitonnés dans la graisse d'oie, les choux frisés et le lard plus blanc que neige. Si bien qu'une fois repu, pas une pistole ne reste dans nos poches. Voilà qui n'a pas l'air de vous assombrir, dis-je à Hérode. Le caissier, que je découvre poète, me fait cette réponse. Oh, si le soleil peut être peint en bleu, la misère peut être badigeonnée d'or. Le pédant pose son gobelet. Nous autres, pauvres comédiens, grâce à notre garde-robe où sont tous nos royaumes, nous pouvons prendre l'apparence des princes. Le matamor, qui n'a rien avalé, se dresse d'un bond. Nous égalons en bravoure ceux qui s'en piquent le plus. Pour quelques heures du moins, nuance Zerbine. Et dame Léonarde, de sa voix pincée, un chariot comique contient tout un monde. Séraphine ajoute gaiement, le théâtre n'est-il pas la vie en raccourci? À cet instant, je vois Isabelle gifler Léandre. Le jeune homme lui a-t-il fait une remarque qu'elle n'a point goûtée? Est-ce la fin de leur idylle? La fortune est une dame capricieuse. Sa roue peut élever aussi vite qu'elle rabaisse. Le lendemain, la troupe est invitée à jouer au château du marquis de Bruyères. En effet, Zerbine, quand le marquis est entré dans l'auberge, ne lui a pas mesuré ses œillades. L'affaire est entendue. D'un mot du marquis à ses gens, nous voilà dans l'orangerie du château, transformée en salle de théâtre. Notre auditoire compte plus de duchesses et de marquises que je n'en ai rencontrées depuis ma naissance. Au premier rang, ce ne sont que velours, satin et pierreries. Les orangers, échauffés par la tiède atmosphère de la salle, répandent une odeur suave qui se mêle au parfum du musc, du benjoin et de l'ambre. Trois coups solennels font régner le silence. Et je découvre, avec des yeux d'enfant, une farce qui a pour titre « Les rodomontades du capitaine Matamor ». Sur fond de toile peinte, illuminée par 24 chandelles, la pièce se pimente d'escalade et d'enlèvement à l'espagnol. Suivi de son valet Scapin, Matamor, qui manque d'éborgner son monde avec le bout de sa rapière, file sa moustache, roule de gros yeux et fait palpiter sa narine. Léandre joue son rival. Léandre, as-tu dit ? Oh, ne répète pas ce nom exécrable, ou je vais de malheurage décrocher le soleil et borgner la lune. Dans la coulisse d'où j'observe la scène, je me surprends à murmurer les répliques de Matamor. Je te lancerai si haut que tu ne retomberas jamais. Je brûle de monter sur les planches avec eux. Y aurait-il en moi un comédien qui s'ignore ? C'est alors que je vois Isabelle reproduire au battement de cils près la mimique qu'elle adressait hier à Léandre. Et revoici avec la même précision du geste la gifle qu'elle lui a donnée à l'auberge. Isabelle jouait la comédie. Elle n'a point de sentiment pour Léandre. Mais alors, à qui dois-je me fier ? Au théâtre ou à la vie ? Dans la loge, après le spectacle, je confie mon trouble à Isabelle. Vous jouez les amoureuses d'une admirable sorte, et l'on pourrait s'y méprendre. N'est-ce pas mon métier ? Vous aviez l'air sincèrement éprise. C'était le rôle qui le voulait. Je lui demande alors, entre-t-on facilement dans un rôle ? Suffit-il d'une toile peinte et d'un habit ? Une ombre voile son regard. Elle se contente de répondre, « Mon cher baron, voici que les lumières s'éteignent. La compagnie s'est retirée et nous allons nous trouver dans les ténèbres. Jetez-moi cette cape sur les épaules et veuillez bien me conduire à ma chambre. » Tandis que nous quittons le théâtre, Isabelle me raconte l'histoire de sa vie. Sa mère, Cornelia, était une pauvre comédienne de province qui jouait les princesses tragiques. Même hors de scène, elle ne voulait entendre parler que de rois, ducs et autres grands. Un jour, Cornelia reçut favorablement un galant qui était un haut et puissant prince. « Il possédait, dit Isabelle, ce grand avantage de la noblesse. Il s'attacha brièvement à ma mère et vous voyez en moi le fruit de leurs belles amours. Le nom de ce prince, le savez-vous ? Ou l'avez-vous oublié ? Je possède une bague ornée de son blason. C'est le seul joyau que ma mère ait gardé de lui. » Notre entretien s'arrête au seuil de sa chambre. Les yeux baissés, elle dit pudiquement, « Au milieu du désordre apparent d'une vie vagabonde, j'ai vécu innocente et pure, car pour mes compagnons qui m'ont vue au berceau, je suis une sœur. Ou une fille. Et pour les Godelureaux, j'ai su, d'une mine froide comme il convient, les tenir à distance. Je voudrais n'être pour vous, lui dis-je, ni compagnon, ni Godelureaux. Elle me regarde d'un air interdit et prononce « Demeurez dans cet entre-deux. » Puis elle me ferme la porte au nez. Nous repartons à l'aube sur notre chariot. Le marquis de Bruyères s'est montré généreux. Les comédiens remuent avec une amoureuse titillation des doigts quelques pistoles au fond de leur poche. Poitiers est encore loin, notre chariot trop lent. Nous échangeons notre char à bœufs contre 4 chevaux pour emmener la bande et ses bagages. Avant même notre arrivée à Poitiers, ce dieu taquin qu'on appelle le guignon revient nous persécuter. Il a pris l'aspect d'une tempête, une des plus violentes qui ait frappé le royaume. Une bise aigre colle nos capes sur nos corps. Au tourbillon de vent se mêlent des flocons si serrés qu'ils forment une obscurité blanche. Nous ne voyons même plus Matamor, parti en éclaireur ou resté peut-être en arrière. Sous les flagellations de la neige, nos chevaux avancent à grand-peine. Scapin et moi poussons à la roue. Léandre fait claquer le fouet pour exciter les bêtes. Après une demi-heure qui nous a paru une éternité, l'ouragan tombe et la neige descend moins tumultueusement au sol. Aussi loin que l'œil peut voir, la campagne a disparu sous un grand linceul argenté. Scapin demande « Où donc est Matamor ? Est-ce que par hasard le vent l'a emporté dans la lune ?»« En effet, » dit le tyran, « je ne le vois point. Ohé, Matamor !» Laissant le chariot à Zerbin et Léonard, nous partons en quête de notre ami. Dans le silence de la campagne, nos appels nous reviennent en écho. Matamor ! Ohé ! Matamor ! Matamor ! Matamor ! Matamor ! La nuit qui descend si rapide aux courtes journées de décembre est venue, mais sans amener avec elle une obscurité complète. Et l'on finit par démêler à travers l'ombre, au pied d'un arbre, une figure d'aspect fantasmatique, étrangement roide et immobile. C'est bien le pauvre Matamor. Ne pouvant lutter contre la tempête, il se sera arrêté près de cet arbre. Ses longues jambes disparaissent à demi sous la neige. Des flocons sont accrochés à ses cils. Et ses yeux dilatés nous regardent comme s'ils étaient de verre. Gelé jusqu'au moelle, le pauvre diable a quitté le théâtre de la vie pour celui de l'autre monde. L'église, refusant le cimetière aux histrions, on l'enterra dans l'arrière-cour d'une auberge. Et maintenant, qu'allons-nous jouer à Poitiers ? Ouais, les comédiens passent aussi vite du rire aux larmes que du tragique au pratique. Les vers n'ont pas encore fait ripaille sur la dépouille de Matamor qu'il nous faut déjà songer à un nouveau répertoire. Mais les rodomontades du capitaine Matamor ont vécu. Si nous ne trouvons pas une bonne farce pour tenir jusqu'à Paris, mais adieu pistole, barrique et tranche de lard. Ne voulant pas être le parasite de ces comédiens, je lève la main et le cœur battant, je me mets à parler. Si je n'ai pas le talent de ce pauvre Matamor, j'en ai presque la maigreur. Je prendrai son emploi et le remplacerai de mon mieux. Vous qui m'avez tendu la main pour sortir de mon triste manoir, acceptez-moi pour l'un des vôtres. Je ne m'appelle plus Cigognac. Je succède à Matamor et prends pour nom de guerre capitaine Fracasse. Les comédiens restent quoi ? Je guette un froncement, craignant une rebuffade de la troupe, et j'entends. Vive le capitaine Fracasse ! Vive le capitaine Fracas! Que les applaudissements l'accompagnent! Les jours suivants, je me façonne à l'art difficile du théâtre. Vient enfin le grand soir, celui où je débute dans les rodomontades du capitaine Fracas. Je me sens fort bouffon dans la scène où ma tête passe à travers la guitare que Léandre me casse sur le crâne, mais enfin, il faut bien faire tout ce que l'on fait. Par bonheur, le public me réserve un triomphe. Après ces débuts plus qu'encourageants, j'écris à mon vieux serviteur resté au manoir de Cigogna. Mon bon Pierre, nous voici enfin à Poitiers, dernière étape vers Paris, où, à ce qu'on prétend, je dois faire fortune et relever ma maison déchue. En attendant, faute de ressources, je joue la comédie sous le masque du capitaine Fracas. Le demi-masque, devrais-je dire. Car il ne cache que le front et le nez, mêlant ainsi le fantasque au réel. Imagine, un nez constellé de verrues, rouge comme une guigne, et une moustache se recourbant comme les cornes de la lune. Ce masque m'assure l'incognito et me donne le courage d'affronter la foule. On dirait même qu'il décuple mon courage. Figure-toi que lorsque je sors de jouer les rodomontades du capitaine Fracas, il me semble conserver sa bravoure, le ridicule en moins. Et... ici, ma plume s'interrompt. Pour épargner à Pierre de trop vives alarmes, je ne lui dis pas tout. Mais à vous, je peux bien raconter comment, n'écoutant que mon courage, j'ai provoqué en duel un certain duc fort méchant. Le duc de Valombreuse, c'est le nom du méchant, s'est fait introduire, après le spectacle, dans la loge des comédiennes. Cheveux frisés en boucle, fines moustaches, flots de dentelles qui débordent de son pourpoint, il se croit, à n'en pas douter, droit sorti de la cuisse de Jupiter. Le duc se place près de la toilette d'Isabelle, appuie son bras sur le cadre du miroir et la fixe avec insistance. Isabelle, cependant, n'a Dieu que pour moi. Vous étiez vraiment très bien, et jamais capitaine espagnol n'eut mine plus superbement arrogante. À ces mots, le duc me toise à travers mon masque et murmure à un ami entré avec lui « Voilà, apparemment, le faquin dont on la prétend amoureuse. Ceci assez haut pour que je n'en perde pas une miette. Ma main se crispe sur le pommeau de ma rapière. » Tandis qu'Isabelle se met à rougir, Valombreuse plonge un doigt dans une boîte posée sur la toilette et en retire une étoile de taffetas noir. « Souffrez que je vous pose cette mouche ici, tout près de votre sein. Elle en relèvera la blancheur. » Isabelle n'a que le temps de se renverser pour éviter l'odieux contact. Valombreuse, habituée à ce qu'aucune déesse, reine ou comédienne ne lui résiste, dit un peu étonnée « Voilà un étrange et fantasque échantillon de sexe féminin. Monsieur !» dis-je en saisissant son poignet. « Mademoiselle pose ses mouches elle-même. Elle n'a besoin des services de personne. »« Drôle ! Je te ferai rompre les os par mes laquais !» Aussitôt, sans enlever mon masque, je soufflette Valombreuse. « Ce faquin ose me toucher !» s'écrie-t-il en prenant la compagnie à témoin. « S'il y a un homme derrière ce masque, il convient qu'il expie ce crime. » Nous convenons d'un duel pour le lendemain. L'endroit choisi est abrité du vent. Le terrain ferme, sans pierre ni motte. Il offre toutes les facilités pour se couper la gorge entre gens d'honneur. Valombreuse jette son manteau et son feutre, défait son pourpoint. Chacun prend son épée et se met en garde. Le duc, qui voyait en moi un fantoche, est surpris par mon habileté. Madame Soupe et ferme déjoue la sienne avec aisance. Il devient plus attentif et sait quelques feintes que je devine aussitôt. Au moment où il détache un fouetté, je me fends et lui porte un coup si bien appuyé que ma lame traverse son avant-bras de part en part. La douleur lui fait ouvrir les doigts, son épée roule à terre, sur quoi je le salue le plus poliment du monde et le laisse aux soins de ses valets. Bientôt, tout Poitiers bruisse de la même rumeur. Un capitaine de théâtre, un histrion, a défait le duc de Vallombreuse. Une des plus fines lames du temps. C'est à ne pas croire. Lorsqu'après le duel, je rejoins Isabelle, elle s'élance vers moi avec un accent de sincérité qui me transporte. Savez-vous que si vous aviez été tuée, je serais morte de chagrin ? Consolez-vous, chère Isabelle, je ne suis pas mort. J'ai même blessé mon adversaire, quoiqu'il passe pour assez bon duelliste. Je sais que vous êtes un brave cœur et une main ferme. Aussi, je vous aime et ne crains pas de vous le dire. Quand je vous ai vu si triste et abandonnée en ce château lugubre où se fanait votre jeunesse, je me suis senti une tendre et mélancolique pitié à votre endroit. Le bonheur ne me séduit pas, son éclat m'effarouche. Heureux, vous m'auriez fait peur. Adorable Isabelle, dis-je en m'agenouillant, je n'ai que mon nom. Il est pur et sans tache, comme vous. Je vous l'offre, si vous daignez l'accepter. À ces mots, elle se baisse vers moi et avec un mouvement de passion délirant, imprime sur mes lèvres un baiser rapide. Vous serez mon épouse, dis-je enivré au contact de sa bouche. Jamais, répond-elle. Je me montrerai digne d'un tel honneur en le refusant. Et quoi ? Vous dites que vous m'aimez et vous ne voulez m'accepter ni comme amant, ni comme mari. Vous êtes le dernier d'une noble famille et vous avez le devoir de perpétuer votre lignée. Votre épouse sera une noble et riche héritière et non une comédienne dont on pourra dire avec un mauvais sourire « Je l'ai sifflée à tel endroit ». Vous serez ma femme, lui dis-je. Je fléchirai votre résolution. À cet instant, Hérode entre brusquement dans la chambre d'Isabelle et nous presse de nous remettre en route. Il craint que la vengeance de Vallombreuse ne s'abatte sur la troupe. « D'ailleurs, ajoute-t-il avec les yeux qui brillent, Paris, la ville des gobe-mouches, poètes, escrocs, batteleurs, tyrolènes et gens de tous états, en un mot, le grand théâtre du monde, attend notre troupe !» Et nous partons dans l'heure, le cœur plein de succès assuré, et entendant déjà grésiller la graisse des chapons qui tournent dans les rôtisseries de la rue aux oies. Apportez tonneaux de vin et fiasque d'eau de vie. Le tambour de sa face témoigne d'un culte assidu pour la dive bouteille. Chez nous, il y avait un coq qui s'appelait Martin. Il a pris la volée de la cage au moulin. Elle a fait la tintine, elle a fait la tintin. Il a pris sa volée de la cage au moulin. Il a fait s'imposer dessus un sac de grain. Elle a fait la tintine, elle a fait la tintin. Il a fait s'imposer dessus un sac de grain. Il vint une grande vieille, le couteau à la main. Et la faire la tintine, et la faire la tintin. Il vint une grande vieille, le couteau à la main. Elle a coupé le cou à notre coq Martin. Et la faire la tintine, et la faire la tintin. Elle a coupé le cou à notre coq Martin. Elle en fit une sauce, prit à tous ses voisins. Elle a fait la tintine, elle a fait la tintin. Elle en fit une sauce, prit à tous ses voisins. Jusqu'à monsieur le curé qui vint saucer son pain. Elle a fait la tintine, elle a fait la tintin. Jusqu'à monsieur le curé qui vint saucer son pain. La sauce était si bonne qu'il mordit dans son poing. Et la faire la tintine, et la faire la tintin. la sauce était si bonne qu'il mordit dans son poing. Il mangea jusqu'au cou sans qu'il en sentît rien. Et l'affaire la tatine, et l'affaire la tatin. Et l'affaire la tatine, et l'affaire la tatin. Et l'affaire la tatine, et l'affaire la tatin. À Paris, le succès de la troupe dépasse nos espérances. La grâce d'Isabelle, la coquetterie de Séraphine, l'extravagance du capitaine Fracasse produisent un effet plus grand encore qu'en province. Hérode s'en frotte les mains. « Oh, mes amis, annonce-t-il un soir, il ne nous manque plus, ayant celle de la ville, que l'approbation de la cour, où sont les gens de goût et les plus fins connaisseurs. Alors sachez qu'il est question de nous appeler à Saint-Germain, car le roi, sur le bruit qui se fait dans notre troupe, désire nous voir. » Oui, oui, bon, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Bon, je vous demande de vous arrêter. Bon. Mais avant que nous allions à la cour... Un certain comte de Pomereuil désire, pour divertir ses hôtes, offrir la comédie en son château. Il possède un théâtre tout machiné où nous n'aurons qu'à poser nos décors. Et nous voici en route vers le château de Pomereuil pour y donner l'illusion comique, pièce de Pierre Corneille, un jeune auteur normand qui y promet beaucoup. Sur la route qui mène au château, un aveugle secoue une sébile de bois. Ses yeux retournés ne montrent que le blanc. Le mendiant appuie sa main libre sur un jeune garçon aux longues mèches de cheveux noirs. Avec Isabelle, je descends du chariot pour lui faire l'aumône. Soudain, au moment de nous remercier, le mendiant ouvre ses bras comme un vautour et déploie son grand manteau brun. La lourde étoffe, au bord plombé comme un filet, s'étale par-dessus ma tête. Avant que je puisse réagir, Isabelle est enlevée de terre avec une prestesse extrême. Le vieil aveugle, qui ne l'est plus du tout, la saisit sous les bras, tandis que le jeune garçon lui soutient les jambes. Deux autres hommes, masqués et armés jusqu'aux dents, surgissent et jettent Isabelle dans un carrosse au rideau fermé. Ils tirent un coup de pistolet pour m'arrêter dans ma poursuite et galopent comme si le diable les emportait. Me voyant fou de rage, Hérode m'enlève les mots de la bouche. Il y a du Valombreuse là-dessous. Le duc aura eu vent de notre voyage au château de Pomereuil et nous a dressé cette embuscade. Zerbine et Séraphine s'écrient « Que vont-ils faire à Isabelle ?» Soulevé par le carrosse, un nuage de poussière me fouette le visage. Dans la chambre inconnue d'un château ancien, Isabelle reprend connaissance. Le cœur oppressé d'une inexprimable angoisse, ses sens surexcités démêlent avec terreur ces bruits imperceptibles qui sont la voix du silence. Une horloge frappe ses coups secs contre la boiserie. Une bûche piquée de verre éclate dans le feu. Puis c'est un grincement de chaîne. Le pont-levis s'abaisse. La jeune prisonnière ouvre des yeux effarés. Le duc de Valombreuse se tient devant elle. Il est en veste de satin gris, perles et bottes à entonnoir en cuir blanc rempli de dentelles. Une écharpe de brocart soutient son épée à pommeau de pierrerie. « Rendez-moi la liberté que vous m'avez prise !» lui lance Isabelle en contenant sa fureur. Il la regarde avec des yeux brillants. Elle reprend d'une voix tremblante. « Jusqu'à quand avez-vous la prétention de me tenir en captivité dans ce château ?»« Jusqu'à ce que vous m'aimiez !» répond Valombreuse. Le corps d'Isabelle se raidit. Elle rétorque « Devant une impatience qui procède par le guet-apens, le rapt et la séquestration, toute âme se révolte. » L'amour, qui est une chose divine, ne se commande ni ne s'extorque. Il souffre où il veut. Vous ne savez donc pas, pauvre enfant, ce que c'est que Valombreuse. Jamais désir inassouvi n'est rentré dans son âme. Mais je saurai patienter. Je veux vous habituer à moi. Vous me ferez un meilleur accueil aux environs de minuit. Et il verrouille la porte en son allant. Pendant ce temps, quatre malandrins boivent comme des éponges dans une salle basse du château. Ce sont Pied-Gris, Torgueul, Larapé et Bringnarille dont le physique répond à ces noms charmants. Dans le vacarme de leur orgie, ils n'entendent pas le fauteuil qui se renverse ni le soupir d'effroi d'Isabelle. Une main d'enfant vient de lui fermer la bouche. C'est moi, la muchacha de hierro, la fille d'acier. Hier est-il, maman, ne crie pas, tu ne coules aucun danger. Isabelle acquiesce en tremblant. La jeune fille poursuit. Chiquita a dit qu'elle ne couperait jamais le col à la dame qui lui a donné les perles qu'elle avait envie de voler. Isabelle reconnaît le jeune garçon complice du faux aveugle. Chiquita, ainsi déguisée, rendait plus crédible la ruse d'Agostine. Mais après l'enlèvement, elle a désobéi à son maître. Elle est allée prévenir la troupe d'Hérode. À présent, Chiquita dit à Isabelle de se tenir prête. Le capitaine Fracas viendra la libérer avec sa troupe. L'assaut sera donné à minuit. Laissant à Isabelle son couteau pour qu'elle puisse se défendre, la petite s'enfuit par la lucarne où seul un corps d'enfant peut se faufiler. Sous la clarté de la lune, Isabelle, tremblante, regarde s'éloigner l'ombre agile. Peu avant minuit, le duc est de retour dans la chambre de la captive. Isabelle porte la main à son corsage pour y sentir le couteau de Chiquita. « Monstre, vous n'aurez jamais de moi que mon cadavre !»« Par tous les diables !» s'enflamme le duc. « Quand tu m'injuries, tu redoubles de beauté !» Avant qu'elle ait le temps de brandir sa lame, il s'avance et la saisit entre les bras. À cet instant, le capitaine Fracas surgit dans la chambre avec un tintamarre de carreaux pulvérisés. Vallombreuse se retourne. Que le diable embroche de sa corne cet histrion de malheur! Comme lors de notre premier duel, le duc se renferme dans la défensive, par les coups et n'emporte point. À moi, Bougain! À moi! Mais laissez-vous votre duc sans aide et sans secours? Mais la troupe d'Hérode a neutralisé ses sbires. Je choisis ce moment pour lui allonger un furieux coup de pointe. Et c'en est fini du duc de Vallombreuse. Grand seigneur, méchant homme, duelliste moins foudroyant que Fracas. Je me tourne vers Isabelle à demi évanouie. Revenez à vous, chère âme, et n'ayez plus crainte. Vous êtes entre les bras de vos amis, et personne maintenant ne saurait vous nuire. Mais Hérode me presse de quitter au plus vite le château de Vallombreuse. Vous devez fuir promptement et gagner quelques retraites où l'on vous oublie. Les amis de Vallombreuse pourraient vous chercher des noises. Allez, ne tardez pas, Cigognac ! Cigognac ? Cigognac ? Je suis si bien entré dans les habits de Fracas que je reconnais à peine le nom de mes ancêtres. Cigognac, allons ! Il faut vous mettre en route. Oui, partez, Cigognac. Vite, partez. Ce nom, répété par tous les membres de la troupe, me fait l'effet d'une volée de flèches qui me poursuivent, tandis que je galope loin de Paris, loin d'Isabelle et de la bonne fortune. Vingt jours se sont écoulés depuis. Me voilà revenu dans mon château lézardé. Je traverse lentement la salle où se tenait il y a quelques mois le souper des comédiens. Le souvenir de ce joyeux tableau la rend plus lugubre encore. Le soleil baisse peu à peu. La lueur rouge de la vitre va s'éteindre. Toutes ces aventures accumulées, tout tous ces revirements de fortune ne me font plus l'effet que d'histoires lues dans un livre. J'avance vers la cheminée et sous les regards songeurs de Miro et Belzébuth, je me résigne à jeter au feu le masque du capitaine Fracas, seul vestige d'un rôle qui n'est plus le mien. Tandis que le demi-masque se tord et crépite dans les flammes, je prononce ces paroles puisées dans ma mémoire. Voici que les lumières s'éteignent, la compagnie s'est retirée, et nous allons nous trouver dans les ténèbres. Et je frémis en entendant sa voix s'élever dans la pièce. Mon cher baron, jetez-moi cette cape sur les épaules et veuillez bien me conduire à votre chambre. Je me tourne vers l'apparition. Ma chambre, Isabelle ? Il y a 20 jours encore, vous me refusiez obstinément. Il y a 20 jours, je n'avais pas été reconnue par mon père. Votre père ? Le prince de Vallombreuse. Il est venu après votre départ. Vous avez fui trop vite pour le rencontrer. Je devais quitter Paris, gagner cette retraite et me faire oublier. La mort de Vallombreuse doit faire du bruit à la cour. Le duc, mon frère, n'est pas mort. Vous l'avez seulement blessé. Le duc de Vallombreuse ? Votre frère ? Le prince, en m'apercevant dans le château, a reconnu son blason sur la bague de ma mère. Et vous êtes venu jusqu'au manoir de Cigognac pour me le dire ? Vous dire surtout qu'un caprice de la fortune m'a ôté mes habits de comédienne. Le prince m'a fait comtesse de Lineuil. Comme je reste interloqué, Isabelle s'approche de l'âtre et jette un regard vers le masque qui achève de brûler. Maintenant que je ne crains plus d'entraver son sort et de nuire à sa fortune, le baron de Cigognac voudra-t-il bien me prendre pour épouse ? Ou me dira-t-il non pour reprendre le masque de Fracas ? À mon tour, je regarde à travers les flammes, le nez constellé de verrues, la moustache en corne de lune. Et si je préfère, moi, me barbouiller de rouge et recevoir des coups de pied au derrière plutôt que d'épouser une aristocrate ? Eh bien ! Je suis tenté de plonger ma main dans les flammes pour y reprendre mon masque. Mais Isabelle enlace mes doigts et m'entraîne sans dire mot dans une danse étourdissante. Une danse qui, à chaque pas, transforme un peu plus mon château de la misère en château du bonheur. En quoi les femmes, même quand elles restent silencieuses, ont toujours le mot de la fin. C'était Capitaine Fracas de Stéphane Michaka, d'après Le Capitaine Fracas de Théophile Gautier. Enregistré en public au studio 104 de la Maison de la Radio le 6 juin 2015. Texte dit par Laurent Poitrenaud avec la clique des Lunésiens. Arnaud Marzorati, direction et chant. Mélanie Flao, flûte, flageolet, basson et chant. Isabelle Saint-Yves, dessus de viol et basse de viol. Christophe Tellard, vielle à roue, cornemuse, Massimo Moscardo, guitare baroque et archilute. Bruitage, Élodie Fiat. avec les voix de Élodie Vincent, Charlotte Azan, Antoine Sastre, Pauline Ziadé, Laurence Cordier, Philippe Mambon, Étienne Launay, Florent Guyot, Frédéric Sihuen, Clément Bernou. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe technique, Bruno Mourlan, Émilie Couette, Pierre Costard, Célia Dufour, Guillaume Ledu, Laure Young-Lancret, Marie Lepeintre. Lumière, Gérard Savary et Gilles Gouel. Musicien metteur en onde, Paul Malinowski. Assistante à la réalisation, Clémence Gross. Réalisation, Laure Egoroff. Un concert fiction proposé par France Culture et la Direction de la Musique, Bureau de la Musique de Chambre, Bruno Béranguet.